t'est invité, c'est ainsi qu'on vit. Heureux de pouvoir donner et partager, tous nous nous aidons et nous nous respectons. Ce lien qui nous unit, célébrons cette joie de la vie, de revoir ses amis. Je serai là pour toi, je sais que tu seras là pour moi. Alors viens, bienvenue dans le clan. Je me souviens des miens.